Pour nous autres, que, on va tourner dans Luc, on est au chapitre 9. Hier soir, j'ai réécouté le film Le Code de Da Vinci. Et ce qu'ils veulent démontrer dans ce film, c'est qu'ils veulent démontrer que Jésus était un être humain. Seulement un être humain. Et pour démontrer qu'il était un être humain comme tous les autres, finalement, ils veulent le marier à Marie-Madeleine et lui faire avoir un enfant. Et là, finalement, dans le film, la femme qui est là dans le film, qui fait toutes les recherches, se retrouve être la dernière descendante vivante de Marie-Madeleine et de Jésus. Là, je me suis dit, hein, so what? Même si ça serait vrai que Jésus a été marié et a eu un enfant, ça ne change rien. Tu me dis juste qu'il est un être humain. Et la Bible a dit qu'il est un être humain à 100%. Tu ne m'apprends rien de nouveau. Tu ne m'apprends rien de nouveau. Parce qu'ils vont juste nier qui était aussi divin. Mais on est tous d'accord, nous les croyants, que Jésus était vraiment un être humain à part égale. Jésus n'était pas à moitié homme, à moitié Dieu. Il était à 100% Dieu et 100% homme. Dans les deux. C'était pas un nouveau mélange. Il y en a qui avait montré, il y avait un professeur qui nous avait montré des images, il avait montré deux vers. 50% Jésus, 50% homme, 50% Dieu. Il avait mis un autre verre avec les deux mélangés qui faisaient une autre couleur. Puis il avait mis une autre affaire. Puis il avait dit, Jésus, ce n'est pas un mélange de quelque chose, c'est deux choses. Deux choses. Qu'on retrouve très distinctement dans les Écritures. Et c'est pour ça que ça nous donne des conflits à nous, êtres humains. Parce qu'on a de la misère à comprendre, à saisir que deux natures dans la même personne. On n'a pas de misère à comprendre que Dieu est Dieu. Il est Dieu. On n'a pas de misère à comprendre qu'un ange est un ange. On n'a pas de misère à comprendre qu'un homme, c'est un homme. Mais un homme qui est Dieu, puis un Dieu qui est homme, ça nous cause des conflits. Et c'est pour ça que la plupart des mouvements religieux qui ont des difficultés avec les doctrines, c'est cette doctrine-là qui engendre les problèmes. Comment c'est ça que Jésus est capable de faire ça? Comment ça qu'il n'est pas capable de faire ça? Mais il y a certaines choses en tant qu'homme qu'il n'était pas capable de faire. Savez-vous entre moi et vous ce matin-là, en tant qu'homme, Jésus n'était pas plus que vous et moi dans sa capacité. Il était juste un homme. Et pendant qu'il était homme, il se reliait uniquement sur la personne du Saint-Esprit pour faire ce qu'il avait à faire. Et tout au long des évangiles, vous allez voir, c'est par la puissance du Saint-Esprit que je fais ça. C'est la puissance du Saint-Esprit qui me permet de faire ça. Parce qu'en tant qu'être humain, il n'avait aucun pouvoir en lui-même. Un être humain n'a pas plus de pouvoir que... C'est un être humain parfait. Mais un être humain parfait, ça ne lui donne pas des pouvoirs divins. Hein? Pas plus qu'un ange a des pouvoirs divins. Il était juste un être humain, comme tous les autres. Et en tant qu'être humain, on a vu ensemble dans Luc qu'il avait faim, qu'il pleurait, qu'il dormait. C'est un être humain. Et une des choses le plus qui montre son humanité, c'est qu'il priait. S'il n'avait pas eu besoin de Dieu, il n'aurait pas prié. Il n'aurait pas prié. Il aurait été capable de faire les choses par lui-même. Vous regarderez dans l'évangile de Jean, où ce qui démontre sa nature divine, vous ne le verrez pas prier souvent. Parce que là, il est divin. Et Jean dit, en tant que Dieu, il fait tout par lui-même. Il contrôle tout, il fait tout, il sait tout, il est capable. Mais en tant qu'être humain, il était très limité. Et ce matin, nous sommes encore dans l'évangile de Luc, et dans Luc, Jésus est humain. Il est humain. Et si je C'est pour ça que si je fais comme Léonard de Vinci ou toute cette gang-là, qui regarde et dit, mais c'était pas un homme, et un homme ne peut pas être plus qu'un homme dans leur tête. Et Luc va démontrer que malgré qu'il est un homme, il est un homme avec une mission spéciale. Et pour sauver l'homme, il devait être homme. Il devait être homme. Et Jésus, tout ce qu'il fait dans l'évangile de Luc, démontre son humanité, démontre qu'il est vraiment un des nôtres. Avez-vous des choses qu'il a faites pour démontrer qu'il est un des nôtres? Des choses qu'il a faites, qu'il a démontrées. Tout à l'heure, on a parlé qu'il a dormi, qu'il a mangé. Mais une des choses qu'on oublie souvent, c'est qu'on a vu ça dans les premiers chapitres, il s'est fait baptiser du baptême de Jean. Ça aussi démontre son humanité. On n'est pas habitué de penser ça. La grosse question, quand on était aux études, on disait tout le temps au prof, pourquoi il s'est fait baptiser? Il n'a pas besoin. Jean faisait un baptême de repentance. Jésus n'est pas fait de péché. Il n'a pas besoin de se faire baptiser de baptême de repentance pour la rémission des péchés. C'est parce qu'il était humain. Et il voulait s'identifier avec la race humaine. Il était pour prendre la place de la race humaine. Pas plus qu'il avait besoin de mourir sur la croix. Mais pourtant, il est mort sur la croix. Il n'est pas mort sur la croix pour ses péchés. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Donc, tout au long de sa vie, il a agi comme un être humain. Et comme il voulait que l'être humain aussi le voie comme modèle. Et pour nous autres qui sommes des êtres humains, c'est intéressant de lire la vie d'un être humain qui pouvait vivre la vie sur la terre que Dieu aurait voulu qu'on vive en tant qu'être humain parfait. Savez-vous ça? Jésus a vécu un peu comme un Adam et Ève, on pourrait dire ici, comme Dieu aurait voulu qu'Adam et Ève vivent. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, ils auraient pu vivre comme ça. Avec un être humain qui pouvait goûter la puissance de Dieu, une relation parfaite avec Dieu. Tout à l'heure, on a chanté qui nous rend fort. Je me suis posé la question pendant que je chantais, comment fort est-ce que je peux être? Comment fort est-ce que je peux être? Si Jésus me rend fort, comment fort? Comment fort est-ce qu'il peut me rendre? Aussi fort que lui. Il peut me donner toute sa puissance. Si cet esprit vient à moi, cet esprit, c'est la puissance de Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans Éphésiens qu'il y a dans l'Église ou en nous la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans nos cœurs. La puissance de Dieu est à la disponibilité de l'être humain. La disponibilité de l'être humain. Et Jésus nous est un exemple de cela. On a vu ensemble de chapitre 9 la semaine passée que Jésus, pendant tous ces 60 versets-là, il y a quelque chose qui revient continuellement dans l'Évangile de Luc, le chapitre 9, c'est il va partir, il part. Il fait des préparatifs à son départ. Si on regarde, il y a différentes expressions dans le chapitre 9, je vais m'en aller, je vais mourir, je vais revenir. Il part toujours qu'il s'en va puis qu'il va revenir. Il part, puis il part, puis il part. Donc, il est en train de préparer, même si on est au chapitre 9, on est vers la fin de son ministère, il commence à préparer les disciples au fait qu'il va partir. Parce que vous savez une chose, une grande partie des disciples qui suivaient Jésus pendant qu'il était vivant sur la terre vont l'abandonner à cause du fait qu'il va partir. Il va mourir, il va partir. Et surtout de la façon qu'il va mourir. Parce que la plupart des disciples qui l'ont suivi sur la terre, ils n'ont jamais accepté que le Messie meure. Ils n'en voulaient pas d'un Messie qui creuse sur une croix. Ils n'en voulaient pas de ça. Ils voulaient avoir une autre sorte de Messie. Un Messie fort, puissant, victorieux, avec une armée qui était pour le délivrer de l'esclavage des Romains. Il était pour leur donner la prospérité. Il était pour leur donner l'autorité sur tous leurs ennemis, comme David avait fait. David avait fait ça, hein, David. Il avait délivré Israël de tous ses ennemis. Puis il avait remis le royaume à Salomon, un royaume de paix. Puis il s'attendait que le Messie qui viendrait, le grand roi, était pour faire la même chose. Israël était encore une fois pour dominer sur toutes les nations du monde. Quand j'étais en Israël, j'ai parlé avec un rabbin, il m'a dit la même foutue patente. Quand le vrai Messie était pour venir, le vrai Messie était pour donner à Israël la suprématie sur toutes les nations du monde. Parce qu'ils sont le peuple de Dieu. J'ai dit, vous n'avez pas changé beaucoup. Vous n'avez pas changé beaucoup. Et ces gens-là, mais ce même gars-là m'a dit, si Jésus reviendrait, on le crucifierait une deuxième fois. C'est un imposteur. Voyez-vous comment c'est que ça marche? C'est pas ça qu'il voulait. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi Jésus pendant ces 2-3 ans de son ministère parce que c'est ça qu'il voulait. Et c'est ça qu'il pensait que Jésus ferait. Et Jésus ne l'a pas fait. Et il l'a abandonné. Donc, il veut préparer les disciples à accepter ça, à accepter le fait qu'il va vivre ce qu'il va vivre. Et c'est ce que nous allons continuer à regarder ce matin. La semaine passée, on a vu que la première chose qu'il a faite avant de partir, il s'est multiplié du verset 1 à 6. Il a pris les 12 et les a envoyés. Il les a envoyés avec la puissance de faire quoi? De chasser les démons et de guérir les maladies. Au verset 1, on a ça. Il dit qu'il leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, guérir les malades. Et quand ils sont revenus de là, comment vous pensez qu'ils se sentaient les disciples? Essayez de vous imaginer, vous l'imaginez ça un petit peu? Si vous imaginez ça. Hé, mon ami, moi, je serais steppé. J'aurais sauté. Hé, j'ai chassé les démons. Et puis, c'est dans d'autres évangiles, il dit, on voyait le diable tomber du ciel, puis il était fort, il avait guéri des malades. Hey, moi, en tout cas, je me suis senti bien en milieu. Hé, quand tu as de la puissance de même là, en tes mains, là, c'est vraiment impressionnant. Tu sais, t'arrives au loin un malade. Oui, ma chichinette le matin qui est amusée à marcher, je te guéris, toc, c'est fini, t'as cousin, imagine-toi, ce que les gens pensent de toi quand ils te regardent après. Ils te regardent en disant, oh, il y a quelqu'un de spécial, lui. L'être humain, c'est ça qu'il veut, hein. On recherche l'approbation, on recherche la gloire, on recherche, puis on va voir, mais qu'on finisse chapitre 9, pas le matin, mais les autres dimanches, on va voir qu'ils voulaient tellement avoir la gloire, les disciples, qui empêchait tous les autres de faire des miracles qui ne les suivaient pas. Ils ne voulaient ça pas, eux autres. On va voir, pendant que Jésus est en train de leur dire, je vais mourir, c'est qui est le plus grand parmi nous autres? Non? Qui est le plus grand? C'est qui chasse les démons le mieux? C'est qui fait des plus de guérisons? Ça, c'est l'être humain. Mais Jésus, ils envoie pas pour ça. Ils envoie, ils se multiplient, au lieu d'être lui qui va prêcher le royaume de Dieu tout seul, guérir les malades, ils sont maintenant 6 gangs de 2, mais lui, on va voir un peu plus loin, il va en envoyer 70. C'est comme si Jésus, juste avant de mourir, de partir, va faire un effort, un plus grand effort pour avertir le peuple d'Israël, pour annoncer le royaume de Dieu au peuple d'Israël. Donc, il se multiplie et en même temps, il donne une expérience pratique à ses disciples. Ils vont partir, mais ils ont déjà expérimenté c'était quoi? Ils ont déjà expérimenté c'était quoi de chasser les démons, de guérir les malades, de prêcher le royaume. Donc, il les prépare tranquillement à son départ. Ce matin, on va continuer en regardant verset 18. On est rendu au verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, « Qui suis-je au dire des hommes? » Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. » Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis? » Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Et puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Ici, Jésus va leur dire clairement qu'il va partir et mourir. Il leur demande « Qui dit-on que je suis? » Et là, on nomme des choses qui sont flatteuses, on pourrait dire. Hein? On dit des choses flatteuses à son sujet. On dit que tu es Élie. Pourquoi? Parce qu'ils disent ça. Là, on dit que tu es Élie. Il y avait une ancienne prophétie dans l'Ancien Testament, hein, que Élie devait revenir. On dit, il y en a qui disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste ressuscité, d'autres disent que tu es un ancien prophète, comme Élisée peut-être, comme Ésaïe ressuscité. C'était flatteur jusqu'à un certain point. C'était positif. Ces gens-là ne disaient pas que Jésus était un révolutionnaire, ou un homosexuel, ou un extraterrestre, ou qu'il était marié avec Marie-Madeleine, une prostituée. C'est pas ça qu'ils disaient. Ils disaient des belles choses de lui. 90% du monde chrétien qui se proclament chrétiens disent des belles choses au sujet de Jésus. Mais ils disent pas toutes. Ils ne croient pas toutes au sujet de Jésus. Mais ils disent des belles choses. Beaucoup de mouvements vont dire que Jésus... je parlais une fois avec un musulman. J'ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de Jésus. Il a dit, c'est un grand, grand, grand prophète. Il ne disait pas rien de mal de Jésus. Si vous parlez avec un bouddhiste, vous voulez être Jésus, il va dire, Jésus, c'est un grand, grand maître. Il ne disait pas, c'est un menteur, un bandit, ou un escroc, un usurpateur de rôle. Non, non, il pense bien de Jésus. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et là, Jésus dit, vous, qui dites-vous que je suis? Et remarquez ce que Pierre... Luc met dans la bouche de Pierre pas les mêmes paroles que les autres évangélistes. Il y a trois paroles différentes dans les évangiles. On ne sait pas si Pierre en a dit une grande phrase puis ils l'ont coupé en trois. Chacun a dit son petit bout. Mais ici, à une place, Pierre va dire « Tu es le Fils de Dieu. » Ici, il dit « Tu es le Christ de Dieu. » Le Christ de Dieu. Christ, ça veut dire quoi? Moins. Le Christ, ce n'est pas son nom, c'est sa fonction. N'oubliez jamais ça. Christ, ce n'est pas le nom de Jésus, c'est la fonction de Jésus. Jésus, on pourrait dire, Jésus le moins. Le moins. Celui qui a été moins par Dieu, qui a été choisi par Dieu. On voyait trois genres de personnes dans l'Ancien Testament. Qui est-ce qu'on voyait dans l'Ancien Testament? Le grand sacrificateur, le roi, un autre, le prophète, les prophètes. Élie a moins Élisée. Et Jésus, c'était le roi, le sacrificateur et le prophète. C'est celui que Dieu a choisi, le moins. C'est celui que Dieu a envoyé. C'est celui que Dieu nous avait promis. Dieu va oindre quelqu'un d'autre. Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Va oindre quelqu'un qui va prendre une place comme moi j'ai pris, comme chef du peuple. Donc, avais-tu bien répondu? Oui, c'était le oindre. Et si vous lisez l'Ancien Testament, le oindre était un homme. Ce n'était pas quelqu'un qui s'incarnait. Dans l'Ancien Testament, c'était un homme de la descendance de David. C'était un homme en chair et en os, un homme à 100%. Tu es celui que Dieu a oint. Mais c'est à cause de ça aussi qu'il va mourir. C'est le fait que Jésus était loin, ou s'est présenté comme étant loin de Dieu, qu'il va aussi mourir. La raison fondamentale pourquoi on va dire qu'il, de le crucifier, de le mettre à mort, c'est parce qu'il s'est présenté comme le roi d'Israël, comme le prophète, comme le sacrificateur. Vous savez, quand ils sont devant Pilate, ils vont dire, lui, il s'est fait roi. Il s'est présenté comme le roi des Juifs, comme le roi. Et il leur dit, tu as bien raison, Pierre, je suis le Christ, je suis le Christ. Je suis le roi de Dieu. Et là, il va leur dire quelque chose au verset 22 qui va les déboussoler complètement, qui va les anéantir complètement. Il leur dit qu'il va souffrir et qu'il va mourir. Il dit qu'il va... Il fallait, au verset 22, que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Il semble qu'ils ne comprennent pas ça. On va voir, ils ne comprennent pas ça. Oui, on dit tout le temps, Québécois, on comprend bien juste ce qu'on veut comprendre. Ils ne comprennent pas. Jésus l'a dit, puis ils ne veulent pas accepter ça. Ils ne veulent pas accepter ça. Et marquez bien ici que Luc ne fait pas mention de ce que Pierre dit par après. Luc, il ne fait pas mention de ça. Ce n'est pas important pour lui ce que Pierre va dire après. Ah, Dieu ne pleure. Non, il fait juste dire, je vais mourir. Parce que son but ici, Luc, c'est de dire que Jésus savait qu'il s'en allait à Jérusalem, il savait qu'il était pour mourir en tant que fils de l'homme. Et qu'il était pour ressusciter le troisième jour. Je me suis posé la question cette semaine, comment est-ce qu'il savait ça? C'est pas donné à l'homme de savoir l'avenir. Je vous demanderais comment vous allez mourir, vous autres, ce matin. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va être assez stupide pour me dire comment. Qui sait comment il va mourir. Comment Jésus l'a su? Comment Jésus a su ça en tant qu'homme? Juste par la puissance du Saint-Esprit. Juste par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a montré. C'est comme ça qu'il devait mourir. C'est comme ça que lui était prophète. Et un prophète reçoit des révélations. Il a su qu'il devait mourir. Il les prépare à ça. Je vais mourir. Des fois, on va dire quand quelqu'un meurt subitement, on dit c'était dur parce qu'on ne s'en attendait pas. Mais quand on les voit partir tranquillement pendant des mois, c'est encore dur, mais c'est moins dur. Parce qu'on les voit partir tranquillement. On sait que c'est comme ça que ça s'en vient. Et on, émotionnellement, psychologiquement, on se prépare. Mais Jésus les prépare ici. Je m'en vais à Jérusalem, je vais mourir. Puis il leur dit comment il va mourir. Il va mourir à travers beaucoup de souffrances de la part des hommes. Je suis un homme et c'est les hommes qui vont me faire mourir. Ici, il nomme les trois chefs religieux, les scribes, les sacrificateurs, les anciens. C'est eux autres qui vont soulever le peuple pour le faire mourir. Et il leur dit qu'il va aussi ressusciter. Mais ça, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Je me posais la question, pourquoi ils ne posent pas la question? C'est pas si mal. Il va mourir juste trois jours. Mais ça, quelqu'un dirait, ton mari va mourir ou ta femme va mourir, mais dans trois jours, elle va revenir vivante. C'est pas si mal. Mais ça, je me disais, Mais ça, dans ma tête, c'est moins grave que tu dis, elle va mourir. Puis là, il n'y a rien d'autre qui suit. Mais ça, me dit, c'est... Mais là, il va mourir. Puis trois jours après, je vais ressusciter. Mais c'est comme s'il ne clique pas. Il ne clique pas, il ne comprend pas. Pourquoi vous pensez qu'il ne comprenne pas? Non, c'est vrai. Mais Jésus n'avait ressuscité des gens. Il avait ressuscité Lazare, il avait ressuscité le fils de la veuve de Naïn, il avait ressuscité. Parce que ça contredisait leur plan. Vous dites bien franchement, quand Dieu fait des choses dans notre vie qui ne vont pas dans la même direction que nous, on veut aller, on dit que ça ne vient pas de Dieu. C'est la faute de la couche d'ozone. Je suis toujours avec la couche d'ozone, mais c'est une joke que je fais depuis des années. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Puis là, on ne l'accepte pas, c'est pas de Dieu, ça vient pas de Dieu, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de ci, c'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est pas Dieu parce que ça ne va pas dans notre plan à nous autres. Ça ne marche pas avec ce qu'on veut, donc on ne croit pas. C'est comme si on ne l'entendait pas, la main de Dieu. Tout d'un coup, Dieu qu'on proclame souverain, maître de toutes choses, tout d'un coup, il n'est plus maître. C'est pas lui qui a fait ça. C'est pas lui qui a permis ça. C'est pas lui qui fait ça. Ça doit être la faute du gouvernement. Bah, ouais, c'est le gouvernement. Pourquoi tout d'un coup, c'est plus Dieu? C'est parce que ça ne va pas avec ce qu'on voudrait que se passe. C'est pas le plein. C'est pas le but qu'on a dans la vie. C'est pas les attentes qu'on a de la vie. C'est pas ça qu'on veut. Et là, au lieu de dire, ben, c'est Dieu qui va nous dire qu'est-ce qui va arriver. Dieu va nous révéler sa pensée, son désir. On fait la même erreur que les autres, bien souvent. Mais ici, Dieu il dit à ses disciples, et quand il va mourir, puis qu'il va ressusciter, et que le Saint-Esprit vienne dans leur petite tête ou dans leur petit cœur, ils vont tout comprendre à ce moment-là. Ils vont tout saisir. Même l'apôtre Pierre va vouloir faire nommer quelqu'un, puis c'est ça ce que Dieu avait dit. Ils vont comprendre à un moment donné. Mais ils vont le comprendre parce que cet esprit a venu dans leur cœur. Et mes frères et sœurs, si on nous enlevait cet esprit ce matin, on deviendrait aussi stupide qu'on l'était avant d'être sauvé. Spirituellement, aussi stupide qu'on était avant. C'est juste le Saint-Esprit qui est en nous qui fait la différence. Vous savez, même ceux qui étaient là, aux côtés de Jésus, qui ont vécu avec lui pendant 3 ans, qui l'ont écouté prêcher quasiment tous les jours de la vie, puis pas 45 minutes, 45 heures par semaine, ils vivaient avec, ils couchaient avec, ils mangeaient avec, et Jésus les enseignait tout le temps. Et 3 ans plus tard, ils comprennent encore absolument rien. Ils n'acceptent pas qu'il va mourir. Le Messie ne meurt pas, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent rien. C'était le champion de l'enseignement, c'était le champion de l'évangélisation, c'était le champion de toutes choses, mais il était bouché bien dur. Mais quand cet esprit vient dans leur vie, il y a un miracle qui se produit. Un miracle, un vrai miracle. Et tout d'un coup, ils se comprennent. Ah, mon ami, on comprend. Tout d'un coup, la lumière se fait sur tout ce que Jésus avait dit, sur tout ce qu'il avait enseigné. Là, ça fait du sens. Il est mort, ben oui, pour nous autres, il est sauvé, il est ressuscité, il va revenir un jour. On est prêt à mourir pour ça. Voyez-vous la différence? Juste par la venue du Saint-Esprit. Ça, c'est la différence entre un homme sans l'Esprit de Dieu, qui est un pécheur, et un homme qui a l'Esprit de Dieu et qui est né de nouveau. Grande différence. Et Jésus dit, du verset 23 jusqu'à 27, va donner le résultat, il va dire quelque chose, c'est des fois qu'il faut le mettre dans son contexte. Il dit, ceux qui meurent ou qui vont mourir vont vivre. Et ceux qui vont vivre vont mourir. Hein? Verset 23, 24. Au verset 25, il dit, ceux qui gagnent vont perdre. Et ceux, on pourrait traduire aussi, et ceux qui vont perdre vont gagner. Et ça, on dit, oui, non, c'est pas québécois ben, ça. Mais ça, on n'entend pas ça dans notre société. Et ensuite, il continue, puis là, c'est toujours la même chose qu'il dit, là, il le répète 4 fois. Ceux qui ont honte de moi, j'aurai honte d'eux. Ceux qui ont honte de moi, je vais avoir honte d'eux. Ceux qui veulent vivre et sauver leur vie vont mourir. Ceux qui vont faire ce que Jésus a dit ici, qui vont se charger de leur croix tous les jours de leur vie, c'est-à-dire qu'ils vont mourir. La croix, c'est le symbole de la mort. Ce n'est pas le symbole de la souffrance, la croix, vous savez. Oubliez ça. Toute personne qui est montée sur une croix est mort là. Quelqu'un qui portait sa croix, il mourait sur la croix. Il ne vivait pas une vie de souffrance. Hein. Ce n'était pas juste, « Oh, la croix, c'est souffrance, c'est dur. La vie, c'est dur. » Non, ce n'est pas ça. C'est la mort qui parle ici. Ceux qui vont mourir à eux-mêmes vont vivre. Ceux qui veulent sauver leur vie et la garder pour eux et vivre pour eux vont mourir. Jésus, ici, quand il leur dit, si vous avez honte de moi, pourquoi, dans le contexte, à quoi vous pensez qu'il fait allusion? Pourquoi vous pensez qu'il fait allusion? Quand on a honte, ça vous est déjà arrivé d'avoir honte de votre mari, de votre femme, de vos enfants? Avez-vous déjà eu honte de quelqu'un? Ben oui, je ne vous demande pas de répondre, je sais que vous avez déjà eu honte de quelqu'un. Quand on a honte pour quelque chose. Ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose, ils ont dit quelque chose, ou ils sont abstenus de quelque chose, mais on a honte. Ça nous, quand on a honte, c'est parce qu'on se sent, quoi? C'est un sentiment, la honte, c'est causé par quelque chose. On se sent rabaissé. Ce que l'autre a dit, ce que l'autre a fait, nous a humiliés ou abaissés, nous a dénigrés. Quand quelqu'un nous fait honte, on regarde ce que les autres pensent à l'entour, parce que ça nous a fait honte. On a honte du comportement, de ce que l'autre dit. Ça m'est déjà arrivé d'avoir honte, pas une fois de mes enfants, quand ils faisaient quelque chose en public que je n'aimais pas. Et que tout le monde les regardait. On leur dit, quel petit monstre, c'est qui le père de ces enfants-là? Là? C'est qui le père de ces enfants? Là, on dit, attendez d'être à la maison. On a honte hein, de leur comportement. Et parce que ça nous. Pas parce qu'on est en amour avec nos enfants, vous savez, pas en tout. C'est parce qu'on est en amour avec le bébé ici, là. Et tu m'as fait honte. Et ça fait mal ici, là, puis je t'en veux à cause de ça. Mais ici, là, il dit que il y en a qui vont avoir honte de Jésus. Pourquoi ici dans le contexte? Pourquoi dans le contexte? De quoi ils vont avoir honte? Voilà. Rejeté par les gens en haut passé. La gomme, hein? la haute gomme de la société, les présidents, les premiers ministres, on pourrait dire aujourd'hui, les gens qui dirigeaient le pays, tout cela, et être le suiveux, ou le chrétien, parce que le mot chrétien veut dire suivre, hein? Être celui qui va suivre un condamné à mort, un rejeté par les gens de la haute classe, par l'aristocratie du pays. Parce que d'être crucifié, c'était la honte, ça, mes chers amis, c'était la honte. Quelqu'un qui aurait eu dans l'Empire romain que son enfant serait fait crucifier, je vous garantis qu'il n'en aurait pas parlé. Il n'aurait certainement pas accroché sur le mur. Tu sais, comme on a fait avec le petit crucifié. Il aurait certainement dit, gars, mon garçon, moi, gars, il a été crucifié, je suis fier de ça. Personne n'aurait dit ça. On aurait eu honte, on aurait mis ça dans la cave quelque part. Un Messie ou un moins ou un Christ crucifié, souffrant, rejeté par la population, rejeté par le peuple, c'est dur de dire qu'on suit un homme comme ça. C'est dur de dire, moi, je suis un suiveur de Jésus-Christ. On aimerait mieux dire ça si Jésus-Christ était roi, hein, premier ministre, un homme puissant, fort. C'est facile de dire, je suis l'enfant du président des États-Unis. Ça veut dire ça. C'est pas facile de dire, je suis l'enfant du soir en Syrie qu'il y a là. On comprend facilement, là. Mais Jésus dit, ceux qui vont avoir honte de moi, un jour j'aurai honte d'eux. Ici, là, faites-vous-en pas, il n'est pas en train de parler des chrétiens qui ont déjà témoigné des antennes. C'est pour ça qu'il n'est pas en train de parler de ça ici, là. C'est pas le contexte ici, là. Le contexte, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a honte de Jésus, point à la lettre. C'est pas quelqu'un qui a de la misère à témoigner des fois. C'est quelqu'un qui rejette Jésus-Christ comme étant le Christ de Dieu. C'est quelqu'un qui rejette, qui dit, ce Jésus de Nazareth-là, c'est pas le Christ de Dieu. C'est pas l'envoyé de Dieu. C'est pas le Messie. Non. C'est pas lui qui a sauvé le monde. Je suis pas ce homme. Si vous dites ça un jour, là, vous êtes dans le problème. Là, vous êtes dans le problème. Mais là, appliquez pas ça à celui qui a, des fois, des difficultés à prêcher l'Évangile à quelqu'un. Ce serait hors contexte. Okay? Ça serait hors contexte. Ici, il dit, « Tous ceux qui vont avoir honte de moi, je vais avoir honte des autres. » Et quand Jésus a honte de quelqu'un, c'est pas drôle. Tous ceux dont Jésus va avoir honte, vont aller en enfer. Vont aller en enfer. C'est pour ça qu'il dit juste après au verset 27. Ceux qui n'ont pas honte de moi, qu'est-ce qui va arriver, les autres, de ceux-là? Je vous dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Ceux qui n'auront pas honte de lui vont voir le royaume de Dieu. Et là, il y a tout un paquet de questions par rapport à ça. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu. Il y a toutes sortes d'interprétations de ça. Toutes sortes d'interprétations de ça. Et il y en a qui disent que l'interprétation, c'est le verset 28. On va aller voir ça ensemble, le verset 28. Et Jésus prépare encore, n'oubliez pas le contexte, Jésus prépare ses disciples, puis il s'envole, il prépare à leur dire, je m'en vais, et je m'en vais à travers la souffrance, à travers la mort, à travers la honte, à travers le rejet de la population. Et je m'en vais d'une façon telle que vous allez avoir de la misère à comprendre et à accepter. Souvenez-vous, les disciples d'Emmaüs, Jésus est mort, qu'est-ce qu'ils font? Sont-ils en train de danser, s'en allant chez eux? Ils sont tristes, ils sont en train de regarder les pieds. Ils ont quoi, les disciples d'Emmaüs? Ils ont honte. Ils ont honte. Ils pensent que leur Messie est mort. On a dit à tout le monde alentour de nous autres que Jésus était le roi, celui qui établirait le royaume de Dieu. Mais ils ont pensé que c'est lui, mais il est mort. On leur dit, si tu veux qu'on fasse à ce temps, il est mort. Ils ont honte d'avoir suivi quelqu'un comme ça. Mais quand ils vont le voir ressusciter, ils vont revenir à leur bon sens. Et Jésus va leur donner cette... moi, je dirais la même pièce de monnaie, mais sur l'autre côté, pour un peu les relever, dire, oui, c'est pas drôle la façon dont je vais partir, mais voyez, ça va être drôle sur l'autre bord. Il y en a qui disent que l'interprétation du verset 27, quelques-uns d'ici, qui sont ici, vont voir le royaume de Dieu. Donc, il y en a qui disent c'est ce qui se passe après. D'autres ne sont pas d'accord, d'autres disent que c'est d'autres choses. Ça n'a pas vraiment d'importance pour moi la position que tu vas prendre. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Je suis allé sur cette montagne-là, moi. Je suis allé là. Quand il était redescendu, quelqu'un m'a dit que ce n'était pas cette montagne-là, c'était une autre montagne. Je ne sais plus si je suis allé sur la bonne ou pas quand je suis allé en Israël. Parce qu'en Israël, vous savez, chaque groupe religieux a sa montagne, ou son trou, ce que Jésus a passé. Même ils ont 3-4 tombeaux, ce qui sera mort et ressuscité. Tout le monde essaie de faire de l'argent avec Jésus. C'était vraiment drôle. Je suis en montagne, tu regardes ça, tu dis, ah, ça serait ici qu'elle a été transfigurée. Puis là, ça te fait un petit quelque chose, parce que tu es un chrétien. Tu dis, bon, Moïse, il était ici, Élie était ici. Ça te fait un petit quelque chose, en tant que chrétien. Là, tu descends à la montagne, là en bas, tu dis, ben non, c'est pas celle-là, c'est l'autre montagne là-bas. Ben là, je ne voudrais pas monter l'autre aussi, tu sais. Comment est-ce qu'il y en a de même? Il y en a deux ou trois, ça a l'air qu'il... Parce qu'il n'est pas marqué, hein? S'il y en a marqué, il montait sur la montagne puis dire le nom. C'est vous qui s'est arrivé s'il aurait dit non? Il aurait fait une espèce de grosse église dessus puis il aurait essayé de faire de l'argent avec ça. Hein? Il aurait vendu un grain de sable, 50$, puis il disait, Jésus a mis le pied sur celui-là. C'est ça qu'il aurait fait, c'est ça qu'on fait, les êtres humains. Je dis, ils ne l'ont pas dit, en tout cas, je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils l'ont pas dit, mais ils ne l'ont pas dit. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ, qui allait accomplir à Jérusalem. Vous voyez encore une fois, encore cette notation de départ. Tout au long du chapitre, cette connotation, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Et ici, il parle de son départ. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Est-ce que c'est ça que Jésus voulait dire? Quelques-uns de ceux qui sont ici vont voir le royaume de Dieu. C'est possible que ce soit ça. C'est ma position personnellement, c'est ça. Parce qu'il dit, environ 8 jours après avoir dit ces paroles, les paroles qu'il venait de dire, Il me semble qu'il fait un lien. Il me semble que Luc fait un lien entre les deux choses. Si ce n'est pas ça, d'autres disent qu'ils vont voir le royaume de Dieu, ceux qui sont ici, quelques-uns, ça ne veut pas dire deux, trois, quelques-uns, ça veut dire peut-être des centaines, qui ont vu le royaume de Dieu s'établir par la venue de l'Église, de cet esprit. Si vous voulez faire une recherche de ça, cherchez le mot « royaume de Dieu » dans tout l'Évangile de Luc, qui apparaît 30 fois. Et c'est, je crois que, des fois, il va dire « le royaume de Dieu est parmi vous, le royaume de Dieu est en vous, le royaume de Dieu s'en vient. » Donc, le royaume de Dieu semble avoir quelques connotations différentes. Donc, ce n'est pas important. L'important, c'est ce qui se passe ici. Jésus parle de son départ. Avec qui parle-t-il de son départ? Moïse et Élie. C'est la première chose, c'est ça qu'on voit la plupart du temps en premier. Mais il a parlé avec quelqu'un d'autre avant ça. Parce qu'il était monté sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Ça veut dire que quand il est allé prier, il a parlé avec quelqu'un d'autre. Il a parlé avec qui? Avec son père. J'ai remarqué, Jésus parle de son départ avec trois personnes. Premièrement, avec Dieu. Après ça, avec Élie et Moïse. C'est un passage pas facile, hein? Pas facile. Pas facile. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Moïse et Élie? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de parler de son départ avec Moïse et Élie? Hein? Entre moi et vous, là. Si vous trouvez une réponse, écrivez un livre, vous allez faire de l'argent avec ça. Oh, j'arrive pas à comprendre pourquoi. On ne sait pas. Il y en a qui parlent avec Dieu, ça je comprends. Jésus parle avec Dieu de son départ. Il a une relation avec Dieu. Puis lui, il vit des choses. Oui, il voit venir la souffrance, il voit venir le rejet, il voit venir tout ça. Et on voit que tu es là dans Luc, puis on va le voir tomber, puis ensuite du sang. Il voit venir, puis il ne voit pas ça, il voit pas ça une belle veillée. Là. Ça ne sera pas une belle nuit, une belle journée pour lui. Il sait très bien ça. Parce qu'il sait de quelle mort. Il faut qu'il souffre beaucoup de la part des hommes. Il sait que ça s'en vient. Et il en parle avec Dieu de ça. Comme il va en parler plus loin. Je crois que peut-être qu'il en a parlé deux, trois fois à s'en aller dans la semaine, dans les mois qui vont venir, dans les semaines qui viennent. Mais il en parle aussi avec Dieu. C'est-tu Dieu qui a envoyé Moïse puis Élie parler avec lui? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Et là, je me suis demandé comment est-ce que Pierre a pu savoir que c'était Moïse puis Élie. Je n'avais jamais vu lui. Pas de photo dans ce temps-là. C'est parce qu'ils ont entendu parler peut-être, puis ils ont entendu se nommer entre eux autres. Mais Pierre, c'est qui finalement à la fin? Il dit, une pour Élie, une pour Moïse. Moi, j'ai pensé que, ma petite interprétation, Moïse représente la loi. La loi. Et Élie représente les prophètes. La loi et les prophètes. Hein, cette expression-là revient souvent dans le Nouveau Testament. La loi et les prophètes sont en accord avec ce que Jésus est en train de faire. Puis ils sont en train de dire que la loi et les prophètes sont en train de dire qu'il va partir en souffrance et c'est correct que ce soit comme ça. C'est pas à cause qu'ils vont mourir que dans la souffrance et dans le rejet du peuple de Dieu, parce qu'il est envoyé à ce peuple, il était supposé sauver ce peuple-là, et le peuple le rejette, il dit, mais c'est pas lui, c'est pas celui que la loi et les prophètes nous avaient dit qu'il viendrait. Mais ici, la loi et les prophètes sont présents, puis ils parlent de son départ avec Jésus, ils semblent être d'accord avec ce que Jésus va faire. Ils semblent être d'accord, ils en parlent avec lui. C'est mon interprétation. La loi et les prophètes sont en accord avec ce que Jésus est en train de faire. Et il y en a un autre qui va dire qu'il est en accord aussi. Il y a une voix hein, qui se fait entendre. Qui dit quoi? Le Fils, c'est lui, mon élu, mon oin. Ce que Pierre venait de dire, le Christ, là, c'est lui, mon élu, mon oin. Il entend une voix, et c'est la voix de Dieu. Et ils disent, ouais. C'est un petit quelque chose de plus à considérer. Dire, hey, c'est vrai qu'il va mourir d'une façon spéciale. C'est vrai qu'il va être rejeté par le peuple. C'est vrai que toutes les grandes têtes dirigeantes, tous les grands théologiens, les grands brillants de la société, tout le monde rejette Jésus. Tout le monde va le faire mourir. Hier, vous savez, dans le Code de Vinci, ceux qui étaient là, ceux qui jouaient dans le film, c'était toute la crème de la société, des grands bols de l'Angleterre. Tous des gens très brillants qui rejettent Jésus. Ils disent, ça n'a pas changé beaucoup, vous savez, ça n'a pas changé beaucoup. Vous savez que la société est influencée par ça? Hein? Une grande partie des gens de la société vont rejeter Jésus parce que les brillants de cette société le rejettent aussi. Tous les grands intellectuels des universités, qu'est-ce qu'ils font de Jésus? En grande partie, c'est pas vrai, c'est de la mythologie. C'est juste la mythologie, juste des vieilles histoires. C'est pas vrai. J'aime écouter M. Reeves, l'astronaute Hubert Reeves, il parlait cette semaine que j'étais, moi, vous savez pas, hein, mais il me l'a dit, j'étais une étoile. J'ai dit, ah, c'est fun d'entendre ça, je suis une étoile. J'étais formé dans les étoiles. C'est ce qu'il dit, le gars, là. Nous sommes des gens qui venons des étoiles. Les étoiles ont commencé le monde. Moi, tout au long de l'émission, je disais, hey, où est-ce qu'ils viennent les étoiles? C'est toujours ma question. Si je viens des étoiles viennent de où, eux autres? Ça, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas de ça. Il faut juste dire que les étoiles ont fait des petits neutrons, toutes les petites affaires. C'est vrai qu'on est formé de toutes ces petites poussières-là. Mais oui, on est tous formés de la même chose. Dieu nous a pris la terre. Dieu veut ça un homme. Il a pris des choses, la terre. Donc, il a pris. Si tu regardes dans François, tu vas retrouver les 14 éléments qui forment le sol. Tu les retrouves dans François. Ça ne veut pas dire que je suis du sol. Je ne suis pas du sol, je suis. Tu es formé à partir de ce que Dieu a formé. Mais je ne suis pas. Il m'a mis en moi quoi de différent? Un âme. Il a soufflé sur moi. Je suis devenu un âme vivante. Ici, les grands bols, ils vont rejeter Jésus. Mais ici, Dieu dit à Pierre, à Jean et à Jacques, oui, c'est vrai, mais Moïse et Élie, la loi et les prophètes sont en accord avec ce que Jésus est en train de faire. Et moi, Dieu, j'ai mis mon sceau sur cet homme-là. C'est mon oin. C'est celui que j'ai envoyé. Il va faire son départ à Jérusalem d'une façon que vous ne comprenez pas maintenant, que vous pensez que c'est idiot, que c'est imbécile, que c'est niaiseux de partir de cette façon-là. Pourquoi est-ce que tu vas partir à travers la souffrance et le rejet? Ils ne comprennent pas qu'ils ont besoin d'être sauvés encore, c'est ça? Ils ne comprennent pas ça, eux autres. S'il avait compris, il aurait même aidé Jésus à y aller. Ils disent, on va prier pour toi, Seigneur. On va t'aider à aller à travers la croix parce qu'on sait que tu vas nous sauver. Mais ils ne veulent pas. Ils seraient prêts à faire n'importe quoi pour l'empêcher d'y aller. Ils ne comprennent pas. Vous savez que les disciples, à la fin des 3 ans, ils ne comprenaient pas grand-chose. Mais ça avait tout accumulé là. Les données étaient toutes là dans leur tête. Hein? Moi, j'ai tout le temps, avant que ça descende au cœur, il faut que ça passe entre les deux oreilles. Et Dieu a accumulé dans leur tête des données. Il a mis des données dedans. Des données. Et quand le Saint-Esprit est venu, ça a tout descendu dans le cœur. Mais ça commence à faire de l'effet dans leur vie. Ça passe toujours entre les deux oreilles avant. Il faut que tu aies des données avant que le cœur réagisse. Et donc, Dieu a mis des données pendant 3 ans. Et le Saint-Esprit est venu en quelques instants. Il a tout mis ça en place. Donc, il dit... Ce Jésus-là qui a été transformé ici, se transformé en blanc, tout habillé, tout resplendissant, plein de lumière. Il y en a qui disent, Jésus s'est présenté comme qui va être dans le nouveau royaume, dans les nouveaux cieux, nouvelle terre. C'est pas comme Jésus, il y en a qui dit, Jésus a enlevé une épaisseur de peau. Il s'est présenté comme il est vraiment. Peut-être ça va être comme ça. Peut-être comme ça. Mais là, c'est parce que c'est comme ça. Moïse et Élie sont comme Jésus ici. Donc, tous les trois, blancs, resplendissants de lumière, sont tous là. Et je crois que, oui, ça peut être une espèce de reflet de ce que va être le royaume de Dieu. Mais le plus important, je crois que ce qu'il veut dire, le texte ici, c'est que Jésus a reçu l'approbation de la loi, des prophètes et de Dieu lui-même. C'est pas la première fois qu'ils entendent la voix de Dieu. La voix de Dieu va se manifester, je pense, au moins 3 fois. C'est quand la première fois? Au baptême. Hein? Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Puis là, cette fois-là ici, il va avoir une autre fois. Il va avoir une espèce de coup de tonnerre. Non, il n'y a pas de voix à ce moment-là. C'est avant la croix. Il va y avoir un coup de tonnerre, à un moment donné, il va être avec ses disciples. Puis eux, ils ont dit, c'est le tonnerre. Puis Jésus, c'est Dieu qui parle. Mais c'est Jésus qui parle à son Père. Mais c'est pas Dieu qui parle du haut du ciel. Et trois fois, on entend une voix. Je vais vous trouver l'autre fois, s'il le faut. J'espère que vous me croyez sur parole. Il y en a trois, au moins que je me souviens. Trois fois. Mais une voix qu'on entend du ciel qui dit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, cet homme-là, en apparence, cet homme-là, dans son vécu de tous les jours, était vraiment loin de Dieu. Il était vraiment le Christ de Dieu. C'est pour ça que, même si sa mort est un peu une mort, en québécois, là, dégueulasse, c'est une mort, c'était la pire mort humaine qui ne peut pas exister. Et c'était une mort déshonorante, humiliante. C'était une mort que personne n'aurait voulu subir. Personne n'aurait voulu que ses enfants subissent une telle mort. Personne n'aurait voulu ça. C'est pour ça que Siméon a dit à quoi, Marie? Il a dit, une épée va te transpercer. Elle aussi, elle a souffert. Elle devait se dire, parce que vous savez une chose, même si on dit que Marie, c'est spécial, Marie était à la croix, elle ne comprenait rien non plus. Elle ne comprenait rien non plus. Pourquoi est-ce que son fils avait besoin de mourir d'une telle mort? Elle non plus ne comprenait pas. Elle n'était pas plus brillante que les autres. Pas plus stupide, mais pas plus brillante que les autres. Et je crois que le Seigneur nous dit ce matin ici, je m'en vais d'une façon très spéciale, mais n'oubliez pas que je reviens. Trois jours après, je ressuscite. Et un jour, vous allez me voir dans ma gloire. Vous allez faire partie du royaume de Dieu avec moi. Tous ceux qui ne vont pas avoir honte de moi, moi je n'aurai pas honte de eux. Tous ceux qui meurent pour me suivre, moi, je vais leur donner la vie éternelle. Donc, le Seigneur puisse nous aider à ne pas avoir honte. Pas dans le sens, là, des fois, j'ai de la misère à parler, mais jamais avoir honte de lui en tant que personne, en tant que sa vie, en tant qu'élu de Dieu. Parce qu'on sait que c'est la majorité, c'est ça que les gens font, on rejette Jésus. Puis, vous savez, si on enlèverait cette dernière semaine de la vie de Jésus, si on l'enlevait de son histoire, vous savez qu'il y aurait bien plus de chrétiens dans le monde? Bien plus de chrétiens. Même M. Tom Hanks, hier, dans le code de Vinci, a dit, Jésus, c'est un grand homme. Jésus, c'est un grand modèle. Il nous a montré à aimer. Lui, tout voulait faire partie de la gang de Jésus. Lui, tout voulait être Dieu. Mais pas Jésus mort! Pas un Jésus ressuscité qui est Dieu. Non, non, on ne peut pas de ça. Mais genre, un Jésus humain qui était vraiment, qui me donne de la statue en tant qu'être humain, qui me montre que moi, je peux faire comme lui. Ça, j'en veux de ça. Mais c'est la mort de Jésus qui a été dure à accepter. C'est la mort de Jésus. Même les disciples, c'est ceux qui ont eu le plus. Souvenez dans Jean 6, quand Jésus dit, « Celui qui me mange et qui me boit, mon chair, ma sang, mon sang va vivre. » À la fin, quoi? Une grande partie des disciples s'en vont pour ne plus jamais revenir avec lui. Parce qu'il ne voulait pas manger son sang. Il ne voulait pas manger sa chair et boire son sang. Il n'acceptait pas la mort de Jésus. Tu ne mourras pas comme ça. Donc, ce n'est pas pour rien que Jésus a besoin de les préparer pour qu'il accepte ça. Prions ensemble. Notre Père du ciel, on est bien convaincu que si on avait été là, on aurait agi pareil. Si on t'avait suivi pendant 3 ans, on aurait agi pareil. On n'aurait pas compris parce que c'est tellement spécial ce que tu as fait. On est conscient ce matin, en regardant la vie de ces disciples-là, que ce n'est pas par notre compréhension, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre connaissance qu'on est venu à comprendre, mais c'est par la venue du Saint-Esprit. Si on avait été là, peut-être qu'on aurait été comme Pierre, sorti de notre épée pour empêcher Jésus de mourir. Peut-être qu'on aurait été comme les autres, on aurait fui, se caché. Mais dans ta grâce, dans ton amour, tu nous as donné ton Esprit Saint, qui est venu et qui a illuminé nos cœurs et nos pensées, notre intelligence, et on a compris qu'il était impossible qu'il en soit autrement. Il fallait que ça se fasse ainsi. Seigneur, on n'a pas honte de toi. On t'aime à la place. On n'a pas honte de ta mort. On te bénit pour cette mort-là. On la proclame à ceux qui veulent bien l'entendre. Merci Seigneur Jésus de ne pas avoir détourné tes regards de Jérusalem, mais que tu as décidé volontairement, pleinement, d'aller vers Jérusalem afin de mourir pour nous. Sois béni éternellement. Amen. On va chanter le dernier cantique, si vous voulez bien.